بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله mes frères et sœurs. Aujourd'hui le samedi 16 Ramadan déjà, والله المستعان, de l'année 1441 de l'Hégire, correspondant au 9 mai 2020. Nous nous retrouvons afin de poursuivre notre lecture dans le livre de l'imam Ibn Kathir, rahimahullah, au sujet de la biographie de notre noble prophète, alayhi salatu wassalam. Et avant de commencer, par rapport aux frères qui se posent la question au sujet de d'écrire quelque chose dans le Coran, ou mettre des traits, ou marquer avec des fluorescents, des choses comme ça, dans le mushaf, il y a des savants qui interdisent cela d'une manière catégorique. Et il y a d'autres hommes de science qui l'autorisent avec une condition. C'est que ça ne soit pas confondu avec le Coran et qu'on pense que ça fait partie du Coran par la suite. Donc, avec cette condition, c'est que ça ne prête pas à confusion. Et que ce ne soit pas mélangé au Coran par la suite. Et ils disent que ça, alhamdoulilah, à notre époque, c'est vérifié. C'est pour ça qu'ils autorisent de mettre des traits pour aider à la mémorisation, pour retenir les versets qui se ressemblent, donc quand il y a un intérêt comme celui-là. Et Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, a dit que le mieux, que même dans ce cas-là, c'est de l'éviter. Même dans ce cas-là, c'est de l'éviter. Et que ça, c'est ce qui est meilleur. Et celui qui mémorise le livre d'Allah, pour se rappeler des erreurs, il peut prendre un petit carnet à côté, et il met ses erreurs par page. Et comme ça, il revient à ce bloc-notes pour se rappeler les erreurs. Wallahu a'lam, ça c'est meilleur. Est-ce que les savants ont dit qu'il était autorisé? Ça reste autorisé. Mais comme vous savez, il est demandé vis-à-vis du livre d'Allah Azzawajal de le vénérer et de respecter la parole d'Allah Azzawajal, entre autres, de ne rien écrire dans le mushaf. Wallahu a'lam. Donc, dans le cours précédent, nous avons parlé des premières batailles, excursions militaires qu'a mené le prophète, alayhi salatu wassalam, dès son arrivée à Médine. Et on a vu également les premières expéditions que le Nabi alayhi salatu wassalam a envoyées également pour des objectifs d'exploration et afin de connaître les routes et les alentours de Médina. Et la dernière de cette expédition qu'on a vue, c'est l'expédition de Abdullah ibn Jahsh radiyallahu anhu, qui a été nommé Sariyat Nakhla, l'expédition de Nakhla. Et Nakhla, comme on a vu, c'est un endroit entre Mecca et Taif, afin de prendre de collecter les nouvelles de Quraysh de très près. Et on a vu également dans cette expédition que les compagnons radiyallahu anhum ont pris la décision, après concertation entre eux, Et cette chose, ils étaient habilités à le faire parce que c'était des hommes de science, des savants. Comme on a vu, le Nabi Issa Salam, dans ses excursions, il a toujours choisi des émigrés parmi les premiers dans l'islam. Pour plusieurs sagesses que je voulais pas, il y en a une, je voulais pas l'évoquer jusqu'à aujourd'hui dans la bataille de Badr. Mais ces expéditions avaient également cette sagesse et d'autres sagesses qu'on a citées. Donc, Nabi alayhi salam, quand ils ont pris cette décision d'attaquer cette caravane commerciale appartenant à Quraysh, dans laquelle il n'y avait que 4 hommes, ils ont tué 1 et ils ont pris en prisonnier 2 et le 4e a pris la fuite. Et subhanallah, c'est une sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala que ce 4e a pris la fuite, parce que s'il était capturé, peut-être qu'ils n'auraient pas su que c'était les musulmans qui ont attaqué cette caravane commerciale. Et peut-être qu'ils n'auraient pas su également quand est-ce que cela a été fait. Car comme on a vu, ça a été fait dans la dernière journée du mois Rajab, mois sacré. Et quand ils ont informé le prophète alayhi wasallam de ce qu'ils avaient fait, le Nabi alayhi wasallam ne les a pas approuvés. Au contraire, il les a blâmés pour avoir transgressé la sacralité du mois de Rajab. Et il n'a pas accepté d'eux ce qu'ils lui ont donné. Et les savants, ils disent que ce qu'ils lui avaient donné, le 5e, ils l'avaient fait d'eux-mêmes. C'était également un ijtihad de leur part. Car le 5e du butin qui revient à Allah et son messager, et que le prophète alayhi salam distribue dans les 4 catégories qui sont citées, ceci n'a pas été encore révélé et n'a pas été encore légiféré. Et subhanallah, ces sahaba radiyallahu anhum ont fait cet effort d'eux-mêmes et ils ont donné 1/5 au prophète alayhi salam, et c'est ce qui va être légiféré par la suite. L'erreur de leur part, radiyallahu anhum, c'était la transgression de la sacralité du mois de Rajab. Et en plus, Nabi alayhi salam ne leur avait pas demandé de combattre, d'explorer seulement. Mais il leur a pas interdit le combat. Ce combat n'y aurait pas eu lieu dans le mois sacré, ça n'aurait pas posé de problème. Parce que Nabi alayhi salam, il envoie à leur tête un émir avec des orientations, mais après, il y a une marge pour le responsable. Donc l'erreur, c'est pas d'avoir combattu. Et on a vu que toutes les expéditions qui ont été envoyées et toutes les batailles dans lesquelles est sorti le prophète alayhi salam, à chaque fois, ils voulaient intercepter une caravane commerciale de Quraysh. Et il voulait faire mal à Quraysh dans son économie. Surtout l'économie qu'ils avaient avec Sham. L'économie qu'ils avaient avec Sham qui était faite en été. Et le commerce qui était avec Yémen, celui-là était pratiqué pendant l'hiver. C'est ça les deux voyages d'hiver et d'été qu'Allah a mentionné dans سورة قريش لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف. Les deux voyages d'été et d'hiver, ce sont ceux-là. Le voyage d'été, c'était vers Sham. Sham, comme je vous ai dit, c'est la Palestine, le Liban, la Jordanie, la Palestine, le Liban, la Jordanie et la Syrie. Ces 4 pays, ça représentait un seul pays avant, qui était appelé Sham. Maintenant, la plupart des gens, quand ils disent Sham, ils visent uniquement la Syrie. Et ça, c'est une utilisation récente. Alors qu'à l'époque du prophète, alayhi salam, ce qui était voulu, c'était cette région de Sham. Donc, ils ont fait cette erreur et les croyants, après que le Nabi Isa a refusé d'accepter sa part dans le butin, il a même refusé de demander une rançon contre les deux prisonniers de guerre. Ceci a été très très difficile pour les croyants de manière générale. Parce que leurs frères sont tombés dans ça. Et bien évidemment, les croyants sont comme un seul corps. Et c'était très pénible pour la totalité de la communauté. Et jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé les versets dans lesquels il a montré, certes, l'erreur de ses compagnons, radiyallahu anhum, mais il a montré que Kuffar Quraysh, parce que eux, ils ont profité de l'occasion pour propager dans tous les Arabes que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons ne respectent pas la sacralité du mois de Rajab. Et comme s'ils avaient fait le pire des crimes. Ça, c'est une erreur. Et même sur cette erreur, ils sont récompensés une fois. Parce qu'ils ont fait un ijtihad. Radiallahu anhum. Et notez toujours qu'ils ont fait un ijtihad qui est autorisé pour eux. Je tiens à le rappeler à chaque fois ce point. Faut pas croire qu'un ignorant, il fait un ijtihad, il pense qu'il est récompensé une fois s'il n'est pas dans la vie juste. Et s'il est dans la vie juste, il sera récompensé deux fois. Quelqu'un qui n'a pas les outils, qui n'a pas les différentes sciences qui sont exigées pour le mujtahid, celui-là, il lui est pas autorisé de faire du ijtihad. On trouve des fois, malheureusement, des gens qui n'ont aucun des outils. Je dis pas qu'il leur manque un outil. Ils ont aucun des outils et ils font des ijtihad. Et il faut que nous aussi, mes frères et sœurs, il faut qu'on soit conscients. Et il faut pas qu'on soit une cause d'égarement pour nos frères. Nos frères qui font des efforts dans la da'wah, qu'Allah les récompense, faut pas qu'on soit une cause d'égarement pour eux. Et qu'on revient vers eux et qu'on leur pose des questions à eux sur des sujets dans lesquels on revient qu'aux savants. Et c'est ainsi qu'on devient une cause d'égarement pour nos frères qu'on aime. Et on aide Shaitan contre eux. Et ça demande un minimum de science pour que tu saches à qui tu peux poser chaque question. Il y a des questions que tu peux poser à un talib ilm. Il y a des questions que tu peux poser uniquement à un cheikh. Il y a des questions que tu ne peux poser qu'à un savant. Et il y a des questions que même parmi les savants, c'est pas tous les savants auxquels tu vas poser ces questions-là. Et dans nos questions également, il faut qu'on respecte les spécialités. Comme on a vu dans cette dernière fitna, on revient pas à des hommes qui sont certes des hommes de science, mais qui sont connus pour ne pas savoir du tout ce qui se passe dans cette fitna, de ne pas avoir tous les éléments de cette fitna. Et tu leur poses une question générale sur la fitna et donnes une parole et toi tu sais c'est cette parole que tu veux. En réalité, t'as pas interrogé le savant pour suivre le haq, t'as interrogé le savant pour qu'il te donne ce qui est en adéquation avec ta passion et ton hawa. Et déjà ça c'est important avant que tu poses une question, de savoir à qui tu peux la poser. Tu vas voir un savant qui n'a pas la science de l'héritage et tu lui poses une question sur l'héritage. Et il va, ici c'est plus clair, il va te dire non, je sais pas. Allahu a'lam. Et ça c'est pas un défaut, c'est pas une lacune chez lui. Car Allahu a'lam c'est la moitié de la science. Et c'est pas une condition chez le savant qu'il maîtrise tous les domaines. Surtout dans les dernières époques. Avant, tu trouvais le savant, il était calé dans la science du hadith, calé, bien évidemment, dans l'aqidah, ça c'est tout le monde. La science du hadith, la science de la langue arabe, les différentes sciences, les 12 sciences de la langue arabe, tu trouves qu'il est calé dans toutes les sciences, dans les récitations du Coran, il connaît les 10 récitations, et ainsi de suite. Tu trouvais les savants, c'était des encyclopédies. Tu lui parles même de la médecine, il te donne les règles de la médecine. Mais après ça, c'est pas ni tous les savants qui sont comme ça. C'est tous nos savants et nos ulama, mais dans la science, il y a des spécialités. Et respecter les spécialités des hommes de science, ça c'est quelque chose qui était connu chez Salaf et qui était pratiqué par Salaf. Entre autres, l'imam Malik, rahimahullah. Et il disait que dans la mosquée du prophète, alayhi salam, il y a un tel, il y a un tel, il y a un tel. Et tous, ce sont des hommes dignes de confiance. Mais que dans la science du hadith, il ne revenait pas à eux tous, mais uniquement à certains qu'il citait, rahimahullah. Donc, respecter les spécialités des savants, c'est demander. Et ça, ça te fait sortir de beaucoup de problèmes. Tu vas voir un grand savant, na'am, c'est un très grand savant parmi al-sunnah wal-jama'a, et nous ne nous disons pas qu'il ne connaît pas le manhaj. Ça c'est une erreur, ceux qui disent ça. Il connaît le manhaj salafi, bien évidemment. Il n'y a pas un savant qui ne connaît pas le manhaj. Mais, peut-être qu'il n'est pas informé de certains détails, de certains événements qui se sont produits, surtout les événements contemporains, où il a une image d'un homme qui est bonne. Il y a certains des savants, tu lui demandes, Mghraoui, est-ce qu'on prend de lui de la science? Naam, il dit naam. Il y a aucun mal. Prends de lui la science. Wallah, al-Musta'an, Mghraoui, on sait où est-ce qu'il est arrivé aujourd'hui. Maintenant, son égarement, il le connaît même un enfant de 7 ans. C'est un homme qui est entré pleinement dans la politique, dans la démocratie, dans les partis politiques. C'est plus les égarements d'avant, yani tekfir ou des choses comme ça. Qu'Allah nous en préserve. Et l'égarement, mes frères, comme a dit l'imam al-Barbahari, quand ça commence petit. Ça ressemble à la vérité. Et ça ne cesse de s'agrandir et de s'aggraver jusqu'à ce que vous entendez aujourd'hui. Abu al-Hasan al-Ma'ribi. Ça, c'était un génie dans la science. Ça, c'était quelqu'un, c'était un génie dans l'ilm. Et quand son égarement a commencé, et quand Cheikh Rabi' a montré son égarement, au début, beaucoup de gens n'ont pas accepté. Non, Abu al-Hasan, Abu al-Hasan. Mais regardez ce qu'il dit aujourd'hui, cet homme. Cet homme, aujourd'hui, il ne critique que les salafis. Et il dit que Tablir, ce sont parmi al-Sunnah al-Jama'a, Ikhwan parmi al-Sunnah al-Jama'a, en gros, tout le monde est beau, excepté les salafis. Wal'iyadu billah. C'est pour ça, alhamdoulillah, Allah Azza wa Jal, malgré notre manque de clairvoyance, malgré notre manque de science, Allah Azza wa Jal nous a donné des causes. Si jamais on s'y attache, ça sera, par la grâce d'Allah, une cause de sauver pour nous. C'est de rester attaché aux grands savants et de suivre le haqq, bien évidemment, et de suivre le dalil, bien évidemment, mais de rester avec les savants et avec les grands de cette umma qui ont traversé des fitanes et des fitanes et des fitanes, et qu'Allah Azza wa Jalla a raffermi dans toutes ces fitanes. Donc, comme je l'avais précisé quand on a parlé de l'expédition de Abdullah ibn Jahsh, radiyallahu anhu, que cette expédition était la cause, une des causes principales, surtout du côté de Quraysh, dans la bataille, la grande bataille décisive, la grande bataille de Badr. Car dans l'expédition de Abdullah ibn Jahsh, ils ont tué un homme qui s'appelle Amr ibn al-Hadrami. Un homme qui s'appelle Amr ibn al-Hadrami. Ça, c'est un homme très notable parmi Quraysh. Et d'une tribu très puissante parmi les tribus de Quraysh. Et ensuite, l'imam ibn Kathir, rahimahullah, a commencé un chapitre dans lequel il a dit qu'il allait parler de la bataille de Badr d'une manière concise. Et la bataille de Badr, cette grande bataille dans laquelle Allah Azzawajal a permis le discernement entre le vrai et le faux, dans laquelle Allah Azzawajal a fait triompher la vérité et l'islam et a vaincu et a écrasé la mécréance et les mécréants. La bataille de Badr, son début, était dans le mois de Ramadan de l'année 2 de l'Hégire, c'est-à-dire 2 mois à peu près après l'expédition de Abdullah ibn Jahsh, qui a eu lieu dans le mois de Rajab, vers sa fin. Après, il va y avoir Sha'ban, et là, directement avec Ramadan, Al-Nabi alayhi salatu wassalam a entendu qu'une très grande caravane commerciale venant de Sham, dans laquelle il y avait Abu Sufyan, Abu Sufyan, Sakhr ibn Harb, une des têtes des mécréants, qui va entrer dans l'islam par la suite, et ça deviendra un des meilleurs compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Donc là, c'était un des plus grands ennemis du Nabi alayhi salatu wassalam. Un des plus notables de Quraysh, le maître de Quraysh, Abu Sufyan, Sakhr ibn Harb. Et dans cette caravane commerciale appartenant à Kuffar Quraysh, bien évidemment, c'était une très très grande caravane commerciale. C'est quasiment la plus grande qui est passée depuis que le Nabi alayhi salam s'est installé à Médine. Et dans cette caravane commerciale, il y avait à peu près une trentaine à une quarantaine d'hommes seulement parmi Quraysh. Et c'était une caravane qui portait énormément de biens et dans laquelle il y avait énormément de chameaux également, pour montrer la taille de cette caravane commerciale. Et dans cette caravane commerciale, il n'y avait pas que le commerce de Abu Sufyan, il y avait le commerce de la plupart des têtes de Quraysh. Et le Nabi alayhi salatu wassalam, quand il a appris cette nouvelle, que cette caravane était de retour de Sham, il a demandé à ses compagnons de sortir pour l'intercepter. Et peut-être qu'Allah Azzawajal leur accordera les biens qu'il y a dedans. Mais il n'a pas accordé beaucoup d'importance à cette sortie. Dans le sens, Nabi alayhi wasallam ne s'est pas beaucoup préparé. Au point où il a dit, uniquement ceux dont les montures sont présentes maintenant, sortent avec moi. Et certains parmi les compagnons qui habitaient un peu plus loin de la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam, en l'occurrence l'Aliya, ce quartier qui existe encore aujourd'hui, à 2-3 kilomètres de la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam, ils ont dit au messager d'Allah, nos montures sont prêtes, on va juste aller les chercher. Et on revient aussitôt. Il a dit non, il ne leur a pas autorisé. Il a dit uniquement ceux qui sont ici, présents, les montures prêtes, m'accompagnent. Et subhanallah, c'est comme une sagesse d'Allah Azzawajal. Et la tribu de l'Aous, qui était plus fort dans les guerres que le Khazraj, ils n'ont pas pu sortir en grand nombre comme le Khazraj, leur cousin Al-Khazraj, les deux grandes tribus de l'Madina. Ils n'ont pas pu sortir pour la simple et bonne raison, c'est que leur lieu d'habitation était plus loin. Et que le Nabi alayhi salam, comme on a vu, il n'a pas autorisé d'aller chercher sa monture. Il a demandé la sortie de ceux qui sont présents et prêts immédiatement. Subhanallah, c'est des sagesses d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme on va le voir, car ceux qui vont sortir dans cette bataille, les 300 et quelques hommes qui vont accompagner le Nabi alayhi salatu wassalam dans cette bataille, c'est les meilleurs de cette communauté. Et ainsi Allah Azzawajal a choisi ceux qui vont sortir. C'est les meilleurs de cette communauté, c'est ceux qui ont participé dans la bataille de Badr parmi les hommes. Et également, ceux qui ont participé dans cette bataille parmi les anges, c'est les meilleurs des anges. C'est pour ça, à la tête des anges qui ont participé, il y avait Jibril, alayhi salam, et il y avait Mikaïl, et il y avait Israfil, alayhi salam. Et le Nabi, alayhi salam, est sorti. Le fait qu'il n'a pas autorisé à ceux qui habitaient un petit peu plus loin d'aller chercher, ça a été rapporté dans l'authentique de l'imam muslim. Et le Nabi, alayhi salatu wassalam, n'a blâmé personne parmi ceux qui ne sont pas sortis dans cette bataille. Ceci est rapporté dans l'authentique de l'imam al-Bukhari. Pourquoi? Parce que il n'a pas insisté. Il ne s'est pas beaucoup préparé. Il est sorti dans l'état dans lequel il était. Ceux qui sont prêts en sortent. Et ils sont sortis, leur nombre était entre 313 et 319. Beaucoup de savants disent 314 hommes sont sortis dans cette bataille. Et que leur nombre était entre 313 et 319, ceci est rapporté dans les deux authentiques. Parmi les émigrés sont sortis dans cette bataille entre 82 et 86 hommes. Parmi l'Aous sont sortis 61. Et parmi le Khazraj, 170. 170 hommes parmi la tribu de Khazraj sont sortis dans cette bataille. Et le Nabi alayhi salatu wassalam a laissé comme responsable sur le Medina et sur la prière Abdullah ibn Ummi Maktoum radiyallahu anhu, le mu'adhin de Nabi alayhi salatu wassalam, ce grand compagnon qui était aveugle. Il a laissé comme responsable à Médine sur la salat. Et dans des versions sur la salat et sur le Medina. On va voir l'importance de cette précision. Et une fois que le Nabi alayhi salatu wassalam s'est rendu à un endroit qui s'appelle Al-Rawha, à peu près une soixantaine de kilomètres de Medina, il a demandé à Abu Lubaba ibn Abd al-Mundhir de retourner à Médine. Et il l'a désigné comme responsable de Medina. Et Abdullah ibn Ummi Maktoum était responsable sur la salat. Il est resté responsable sur la salat. Donc, est-ce que Abdullah ibn Ummi Maktoum était responsable sur la salat et sur le Medina, et que le Nabi Islam a limité sa fonction à la salat, ou est-ce qu'il était uniquement à la salat dès le début? Et le Nabi Islam, dès qu'il est sorti, à cette distance-là, il a désigné un responsable pour le Medina. Et dans cette bataille, sont sortis, comme on a vu, 314 dans la vie de beaucoup de savants, et ils avaient 70 chameaux uniquement, et 2 chevaux uniquement. Un était pour Zubair ibn al-Awwam radiyallahu anhu, et le deuxième était pour le Miqdad ibn al-Aswad al-Kindi radiyallahu anhu. Ces très grands chevaliers, ces deux très très grands cavaliers parmi les cavaliers de l'islam, Zubair ibn al-Awwam et le Miqdad ibn al-Aswad, l'un d'entre eux était comme 1000 hommes dans une bataille radiyallahu anhum. Zubair ibn al-Awwam, c'est le fils de Safiya, ammat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et Zubair ibn al-Awwam, c'était un homme extrêmement courageux. Et si vous lisez dans sa biographie comment sa mère l'a éduqué, vous comprenez le secret de ce courage et quelles étaient les causes de ce grand courage dont faisait preuve cet homme, Zubair ibn al-Awwam, un des 10 annoncés au paradis. Radiallahu anhu. Et c'est l'éducation de Safiya radiallahu anha est contraire à ce qu'on voit de nos jours où on éduque les enfants dans la peur. Attention, on lui fait peur du noir, de la nuit, ça fait grandir l'enfant peureux. Faut l'habituer au courage. Faut l'habituer à prendre des décisions. Et respecter ses décisions tant que ça ne s'oppose pas à la religion d'Allah, bien évidemment. Et comme ça, le faire grandir avec une personnalité, un caractère. et non pas un enfant peureux, faible, qui a peur de tout. Et ça, c'était pas l'éducation que donnaient Sahaba radiallahu anhum à leurs enfants. Donc, ils avaient 70 chameaux. Et sur la route, ils s'alternaient sur ces chameaux-là. Donc, ils ont désigné des petites équipes. Ils étaient répartis par 3, par 4 ou plus sur chaque chameau. Donc, chacun va monter à dos de chameau une distance et à tour de rôle, ils changeaient. Donc, le Nabi Issa al-Salam était sur un chameau avec Ali et Abu Lubaba, Ibn Abdel Mundir. Et quand il l'a renvoyé vers le Madina, s'est rejoint à eux Marfad ibn Abi Marfad al-Ghanawi, radiallahu anhu. Donc les trois s'alternaient sur un seul chameau. Les trois, avec les deux, Ali, radiallahu anhu, et Marfad, et Nabi, alayhi salatu wassalam. Et c'est rapporté que quand c'était le tour du prophète, alayhi salatu wassalam, de marcher, ils lui ont dit, au messager d'Allah, Nabi alayhi salatu wassalam, il a à peu près 55 ans quand cette bataille a eu lieu. Cette bataille a eu lieu dans la deuxième année de l'Hégire, dans le mois de Ramadan. Dans le mois de Ramadan. Donc Nabi alayhi salatu wassalam, il devait avoir 55 ans à peu près. Il est arrivé à Medina à l'âge de 53 ans. Il est devenu messager et prophète à l'âge de 40 ans. Et il est décédé, alayhi salatu wassalam, à l'âge de 63 ans, 10 ans fil Medina. Donc, je disais que quand c'était le tour du prophète, alayhi salatu wassalam, de marcher, ils lui ont dit, Ali et Marfad, radiyallahu anhuma, ils lui ont dit au messager d'Allah, tu peux rester, nous on marche. Et le Nabi, alayhi salatu wassalam, leur a dit, vous n'êtes pas plus fort que moi. Pourquoi, Zama, vous voulez me laisser moi monter et vous marcher? Soi-disant parce que vous êtes plus fort. Non, vous n'êtes pas plus fort que moi. Et moi aussi, j'ai besoin de la récompense comme vous. Allez, salatu wassalam. Il descendait à son tour. Et quand c'était son tour de monter, il montait, allez, salatu wassalam. Vous voyez, allez, subhanallah, le Nabi, allez, salatu wassalam. Qu'Allah augmente notre amour pour le prophète, alayhi salatu wassalam, et que ce soit un amour sincère et un amour qui donne ses fruits. Entre autres, le suivi du prophète, alayhi salatu wassalam. Le suivi du prophète, alayhi salatu wassalam, dans tous les détails de notre vie. Depuis notre réveil jusqu'à ce qu'on se couche, et même pendant notre sommeil. Qu'on suive le prophète alayhi salatu wassalam. Et plus tu le suis, plus tu vas faire les causes pour savoir comment il était pour le suivre. Car tu ne peux pas le suivre sans science et sans savoir comment il était alayhi salatu wassalam dans les différents détails de sa vie alayhi salatu wassalam. Et également Zayd ibn Haritha radiallahu anhu s'alternait avec Anasa et Abu Kabsha radiallahu anhum. Donc les trois c'était des alliés par affranchissement au prophète alayhi salatu wassalam. Zayd ibn Haritha, celui que le Nabi alayhi salam a élevé et qui était dans le début de l'islam le fils adoptif du prophète alayhi salam jusqu'à ce que ça ait été abrogé. Et pour marquer cette abrogation vraiment dans les esprits et que c'est pas son fils, Zayd ibn Haritha radiallahu anhu, quand il a divorcé son épouse Zaynab bint Jahsh radiallahu anha, Allah Azza wa Jal a ordonné au prophète alayhi salatu wassalam de l'épouser. Et au début, le Nabi alayhi salatu wassalam, c'était difficile dans la société. Et comme s'il était gêné, comme Allah l'a décrit, mais Allah ne se gêne pas de la vérité. Et Allah subhanahu wa ta'ala a voulu marquer cet événement et le Nabi alayhi salatu wassalam a épousé Zaynab radiallahu anha. Zaynab qui disait aux autres épouses du prophète alayhi salatu wassalam, toutes, c'est vos parents et vos tuteurs qui vous ont marié au prophète alayhi salatu wassalam. Mais moi, c'est Allah qui m'a marié au prophète alayhi salatu wassalam. Zaynab radiallahu anha. Donc Zayd ibn Haritha radiyallahu anhu, le bien-aimé du prophète alayhi salatu wassalam, était avec Anasa et Abu Kabsha. Les trois, c'était des alliés du prophète alayhi salatu wassalam. C'est-à-dire, c'est lui qui les a affranchis. Et quand tu affranchis un esclave, il y a une forme de lien qui reste entre toi et lui. Ça s'appelle al-wala. Et c'est parmi les causes de l'héritage. C'est parmi les trois causes de l'héritage. Et Abu Bakr s'alternait avec Amr, avec Omar ibn al-Khattab et Abdurrahman ibn Auf sur un seul chameau. Et ainsi de suite. Et le Nabi alayhi salatu wassalam, dans cette bataille, dans cette sortie, il a donné l'étendard des muslimines à Mus'ab ibn Umayr radiyallahu anhu. Donc celui qui portait l'étendard des muslimines dans cette bataille, c'est Mus'ab ibn Umayr radiyallahu anhu. Et celui qui portait dans une bataille, il y a al-liwa, l'étendard ou la bannière, et il y a le drapeau. Ce sont deux choses différentes. Donc le drapeau des muslimines dans cette bataille, il y en avait deux. Un était porté par Ali radiyallahu anhu, représentant des émigrés, et le deuxième était porté par Sa'd ibn Mu'ad, représentant des Ansar. Représentant des Ansar. Et ça va créer comme une concurrence dans la bataille. Et ça va permettre de voir qui ont combattu avec plus d'ardeur et plus de force, et qui ont fait preuve de plus de courage et de bravoure dans la bataille. Et ça crée comme une forme de concurrence dans la bataille. Et ça fait partie des sagesses dans les guerres. Et celui qui était à l'arrière de l'armée, c'est Qais ibn Abi Sa'sa'a, radiyallahu anhu. Qais ibn Abi Sa'sa'a était à l'arrière de l'armée, afin de protéger, de surveiller. Et bien évidemment, les sahaba, radiyallahu anhum, comme ceci a été cité dans un hadith authentique, peu importe pour lui qu'il soit devant ou derrière, ce qui compte, c'est d'être dans le sentier d'Allah. Et si Allah t'accorde le martyr, ça sera un degré extrêmement élevé auprès d'Allah, que tu sois devant ou derrière. Et c'était pas un sujet de préoccupation pour eux, est-ce que je vais être devant, est-ce qu'ils vont me voir, ou est-ce que je vais être uniquement à l'arrière, radiyallahu anhum. Et le Nabi alayhi salam, une fois qu'il s'est approché d'un endroit qui s'appelle As-Safra. As-Safra, c'est un petit village dans lequel il y a beaucoup de palmiers et de plantations et beaucoup d'agriculture de manière générale. Et dans lequel il y a beaucoup de fontaines également et de sources d'eau. Quand il est arrivé à cet endroit, et cet endroit, il se trouve entre le Madina et Yambou. Entre le Madina et Yambou. Quand il est arrivé à cet endroit, il a envoyé un compagnon qui s'appelle Basbas ibn Amr al-Juhani, radiyallahu anhu. Et Basbas, c'est lui qui a rapporté la nouvelle de la caravane commerciale de Abu Sufyan. C'est lui qui a rapporté la nouvelle de l'arrivée de cette caravane commerciale de Abu Sufyan, c'est lui qui l'a dit au prophète alayhi sallam. Le Nabi alayhi sallam l'a envoyé lui et Adi ibn Abi Zarba al-Juhani. Les deux, ils sont de la tribu de Juhayna. Et les deux, comme vous avez pu le constater, ce sont pas des compagnons très connus. Et que même les Arabes, ils savent pas est-ce qu'ils sont devenus musulmans ou pas. Il les a envoyés afin que même si quelqu'un les observe, ils ne sauront pas qu'ils sont en compagnie de l'armée du prophète alayhi salatu wassalam. Il les a envoyés pour se renseigner et pour collecter des informations au sujet de la caravane commerciale de Abu Sufyan. Abu Sufyan, à son tour, quand il a appris que le Nabi alayhi salatu wassalam est sorti pour intercepter sa caravane commerciale, lui également, il a payé un homme qui s'appelle Damdam Ibn Amr al-Ghifari, il l'a payé afin d'aller vers Mecca et de demander du secours et du renfort de Quraysh et de les informer que leur caravane commerciale est en danger et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam veut la prendre et de sortir en grand nombre afin de la protéger. Et il est rapporté que Damdam, quand il est arrivé à Mecca, il a déchiré ses vêtements, il a fait plusieurs choses pour montrer la gravité de ce qui va se passer et pour que l'alerte soit très forte. Effectivement, Kuffar Quraysh, quand ils ont entendu que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam voulait intercepter leur caravane commerciale, et ça c'est une grande humiliation chez les Arabes. D'une. Et deuxièmement, comme ils attendaient le moment propice pour venger Amr ibn al-Hadrami, qui a été tué par le groupe d'Abdullah ibn Jahsh, radiallahu anhu. Donc c'était une occasion en or pour eux. Donc ils vont pouvoir à la fois venger Amr ibn al-Hadrami, protéger leur caravane commerciale et aussi marquer un point et montrer leur force. Yani un exercice de force face aux muslimines, comme va le dire Abu Jahl. Et effectivement, Kuffar Quraysh se sont préparés avec tout ce qu'ils pouvaient. Ils sont sortis à peu près, au début, ils étaient 1300. 1300. On va voir quand la bataille va se dérouler, ils vont être à peu près 1000. Entre 900 et 1000, comme a dit le Nabi alayhi sallam. Mais à leur sortie, ils étaient 1300 combattants et guerriers. Et avec eux, il y avait 100 chevaux. Enfin, 100 chevaux, une centaine de chevaux et 600 armatures. Donc, ils étaient extrêmement bien armés et ils avaient énormément de chameaux avec eux. Rien qu'en chevaux, ils avaient une centaine. Que dire des chameaux? Alors que Nabi Issa Salam, si vous rappelez, ils avaient que 2 chevaux. Et à leur tête, Abu Jahl, c'était le chef de cette armée. Et quand ils sont sortis, ils se sont préparés, ils sont quasiment sortis, ils ont pensé à une tribu qui s'appelle Bani Bakr, de laquelle fait partie Suraq ibn Malik. Yani, c'est des Bani Mudlij. Ils ont pensé à eux et la grande haine qu'ils avaient pour Quraysh. C'est parmi les plus grands ennemis de Quraysh, parmi le Kuffar, ils ont pensé à eux et qu'ils peuvent profiter de l'occasion et que la plupart des combattants et des guerriers sont sortis pour attaquer leurs biens et leurs familles derrière eux. Et ils ont failli faire demi-tour jusqu'à ce que Iblis s'est montré à eux, il est venu dans l'image de Suraq ibn Malik, le maître des Bani Kinana, donc de ces Bani Bakr et Bani Mudlij, le maître de ces tribus. Et il leur a dit, moi je vous garantis que personne ne vous fera de mal pendant votre absence, et je suis garant. Et bien évidemment, ces pactes d'allégeance et d'alliance et de protection chez les Arabes, c'était très très respecté. C'était très respecté. Quand quelqu'un il donne une parole comme ça, il la respecte. Et ensuite, ils ont continué, ils ont poursuivi leur sortie. Ils sont sortis extrêmement bien armés, dans un orgueil et une ostentation immense, comme Allah Azza wa Jal les a décrits. Et tous les maîtres de Quraysh sont sortis, excepté Abu Lahab, l'oncle du prophète, qui n'est pas sorti, mais par contre, il a désigné un homme pour sortir à sa place et pour le remplacer dans cette bataille, qui est Al-As ibn Hisham. Il avait une dette sur lui, il lui a effacé la dette contre sa sortie à sa place. Et la dette était de 4000 dirhams. Dirhams, c'est les pièces en argent. Dirhams, si on veut l'estimer, c'est chaque pièce en or est équivalente à 200 pièces en argent. Donc un dinar, c'est 200 dirhams à peu près. Donc si on fait le calcul, ça nous donne 20 dinars. 20 dinars, c'est 4000 dirhams. Et un dinar à l'époque, ça permettait d'acheter un mouton. Donc aujourd'hui, c'est à peu près, si on veut en euros, c'est à peu près 150 euros. C'est à peu près 150 euros. Donc 200 pièces de 150 euros, ça fait 3000 euros. Il lui a donné 3000 euros pour sortir à sa place, à l'époque. Et toutes les tribus arabes ont fait sortir des hommes dans cette bataille, excepté les Bani Adi. Les Bani Adi, la tribu de Omar ibn Khattab, c'est la seule tribu qui n'a pas participé dans cette bataille, aux côtés des Kuffars de Quraysh. Et la famille du prophète, alayhi salatu wassalam, les Banu Hashim, ils sont sortis, mais sous la contrainte. Ils ne voulaient pas sortir, mais ils leur ont mis tellement de pression, et c'est la honte pour vous, et la pression de ce genre-là. Et ainsi, ils sont sortis. C'est pour ça que Nabi alayhi salam a dit, quand, avant le début de la bataille, il a dit à ses compagnons, ne tuez personne parmi les Banu Hashim, car ils sont sortis sous la contrainte. Et il a cité des noms. Il a cité Abu al-Bakhtari, un des hommes qui ont participé dans l'annulation de ce pacte de boycottage qui a été fait par Quraysh contre la famille du prophète alayhi salatu wassalam, contre les Banu Hashim. Et il a nommé également son oncle, Al-Abbas. Il a nommé son oncle Al-Abbas, et on va voir une petite histoire par rapport à cet événement quand ça va arriver, Inch'Allah. Donc ils sont sortis de leur maison, comme Allah a dit, ils sont sortis de leur foyer, bataran wa ri'a'an nas wa yasudduna an sabilillah, en s'exhibant publiquement, remplis d'orgueil et d'ostentation, pour détourner les gens du sentier d'Allah. Et ils sont venus dans une armée extrêmement bien armée, avec une grande fureur et colère contre le prophète alayhi salatu wassalam et ses compagnons. Et ils voulaient la vengeance pour les raisons que j'ai citées précédemment. Et en plus de préserver et de protéger leur caravane commerciale. Et Allah Azza wa Jal les a réunis avec les muslimines sans rendez-vous. Comme Allah Azza wa Jal a dit dans le Coran, quand Allah a voulu les rassembler, il les a rassemblés pour une grande sagesse sans qu'il y ait de rendez-vous. Et même, comme Allah Azza wa Jal dit, « وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِعَادِ » Et si vous aviez donné rendez-vous, vous auriez certainement manqué votre rencontre. Car Allah Azza wa Jal, pour une sagesse absolue de sa part, a fait que cette rencontre a eu lieu. Et même s'il y avait un rendez-vous, il se serait manqué. وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا. Mais Allah entendait exécuter un décret qui devait l'être immanquablement. Et quand Nabi Isa salam a entendu que Kuffar Quraysh sont sortis pour protéger leur caravane commerciale et combattre les musulmans. Quand il a su cela, il a consulté ses compagnons. Il a consulté ses compagnons et il leur a demandé leur avis. Et qu'est-ce qu'ils font maintenant? Et subhanallah, on voit ici l'importance de la consultation dans l'islam. L'importance de la consultation dans l'islam. Si quelqu'un devait se passer de la consultation, c'est le Nabi alayhi salatu wassalam, bien évidemment. Pour les facultés qu'Allah lui a données comme être humain, mais aussi parce qu'il est assisté avec la révélation d'Allah. Il reçoit la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, le Nabi alayhi salatu wassalam a consulté ses compagnons comme Allah lui a enseigné, wa shawirhum fil amr. Consulte-les en cas de décision ayant affaire avec une chose importante. Et donc, le Nabi alayhi salam a consulté ses compagnons et ceux qui ont parlé, c'était les émigrés, al-muhajiroun. Ceux qui ont parlé, c'était le muhajiroun. A parlé Abu Bakr, a parlé Omar ibn al-Khattab, a parlé le Miqdad ibn al-Aswad. Plusieurs parmi les compagnons, parmi les émigrés, ont parlé et ont dit au messager d'Allah, on est avec toi. On est avec toi dans le combat. Et ils ont bien parlé, ils ont dit des choses que Nabi alayhi salam a aimées. Mais malgré ça, Nabi alayhi salam a continué à consulter ses compagnons. Et c'est là où l'Ansar ont compris qu'il les visait eux, il voulait leur opinion à eux. Les émigrés, c'est clair, leur position elle est claire, mais il voulait les entendre l'Ansar. Et le premier qui a commencé par parler, avant l'Aswad, al-Miqdad ibn al-Aswad radiyallahu anhu, quand il a parlé, il a dit au messager d'Allah, avance dans ce que Allah t'a fait voir comme bonne décision. Et nous serons avec toi. Nous serons avec toi dans cette bataille. Et nous dirons pas comme on dit les fils d'Israël à leur prophète Moussa alayhi salam. Idhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Ils lui ont dit, nous allons pas dire comme on dit les fils d'Israël à Moussa alayhi salam. Ils ont dit, vas-y donc, toi et ton Seigneur, combattez tous deux. Nous autres, nous resterons ici. Il a dit, nous disons, vas-y, toi et ton Seigneur, combattez tous deux, nous combattrons avec vous. Nous combattrons avec vous. Et dans une autre version, il a dit, nous combattrons avec toi, ô messager d'Allah, à ta droite, à ta gauche, par devant, par derrière, nous t'entourons de tous les côtés. Et Nabi alayhi salam a aimé ces paroles. Mais il a continué à consulter ses compagnons, radiyallahu anhum, comme je vous ai dit, parce qu'il voulait entendre l'opinion des Ansar. Pourquoi il voulait entendre l'opinion des Ansar en particulier? Il voulait entendre leur opinion parce que Nabi alayhi salam, si vous vous rappelez, dans le pacte d'allégeance de l'Aqaba, la deuxième Aqaba, il a fait un pacte d'allégeance avec les Médinois sur le fait de le protéger seulement. Et ils ont dit, on te protège de quoi on protège nos enfants, nos familles, et même de quoi on protège notre awra, si vous vous rappelez. Et il n'y avait pas de pacte avec lui sur le fait de sortir combattre à l'extérieur. Le pacte était fait sur sa protection à Médine. Si jamais quelqu'un veut lui faire du mal à Médine, ils vont le protéger comme ils protègent leur propre personne, leur famille, et comme même ils protègent leur awra, radiyallahu anhu. C'est pour ça qu'il fallait leur avis par rapport à ça. Et quand l'Ansar ont compris que c'était eux que le Nabi alayhi salatu wassalam visait, le premier qui a parlé c'était Sa'd ibn Mu'adh, radiyallahu anhu, ce grand compagnon, très très grand compagnon. Il a dit au messager d'Allah, c'est comme si tu nous visais nous, par Allah, au messager d'Allah. Si tu traverses avec nous la mer on la traversera avec toi. Alors, vas-y, fonce vers ce que Allah t'a montré. Avec la bénédiction d'Allah, nous serons avec toi et personne d'entre nous ne t'abandonnera. Et il lui a dit, peut-être qu'Allah Azzajal te fera voir de nous dans cette bataille, chose que tu vas aimer beaucoup. Notre ardeur, notre force dans le combat. Parce que là, c'est le premier combat qui va avoir lieu, yani la première bataille dans laquelle il va y avoir le combat. C'est la première. Et Nabi Issa salam, quand il a entendu ça, il s'est réjoui énormément de ces bonnes paroles de Sa'd ibn Mu'adh radiallahu anhu. Et il a dit, avancez alors et je vous annonce la bonne nouvelle, car Allah m'a promis une ou la un des deux clans ou la une des deux choses. Ta'ifa, c'est le clan. Mais ce qui est voulu ici, c'est une des deux choses. Ou bien la caravane commerciale, ou bien la victoire contre Kuffar Quraysh. Et bien évidemment, certains parmi Sahaba, pour des raisons valables, ne voulaient pas la bataille contre Kuffar Quraysh. Ils préféraient la caravane commerciale. Parce que comme on a vu, ils sont sortis, ils n'étaient même pas préparés. Ils sont sortis dans l'état. Chacun qui avait sa monture, il est sorti, ils n'étaient même pas armés, même pas préparés comme il faut. C'est pour ça, et ils ont entendu que Kuffar Quraysh, par contre, ils se sont préparés comme on a vu. Et ils sont sortis dans le nombre qu'on a vu. Donc, certains parmi les compagnons, comme Allah les a décrits dans le Coran, subhanallah, surat al-Anfal, qui a été révélé après la bataille de Badr, sur le chemin de retour. Et subhanallah, c'est une surah qui a été révélée dans sa totalité, alors que Nabi Issa salam était sur sa monture. Allah lui a révélé toute cette surah. Et les sahaba ont dit que quand Allah a révélé cette surah, la chamelle du prophète alayhi salatu wassalam, Yani avait du mal à avancer. C'était lourd pour elle, la descente de la révélation. Donc dans cette sourate, Allah Azza wa Jalla a décrit toutes ces choses dans des détails minutieux et précis. Il a décrit même ce qu'il y a dans les poitrines des hommes. Chose que tu ne trouveras que dans le Coran. Car c'est Allah qui sait ça. Même le Nabi Issa salam, il ne sait pas ce qu'il y a dans les poitrines des gens. Et il juge les gens selon leur apparence. Mais Allah, il sait ce que tu caches et ce que tu montres. Et il voit les deux de la même façon. Il sait même ce que tu penses pas, quand est-ce que tu vas le penser. Et il sait même ce que t'as pas fait, si tu l'avais fait, comment tu l'aurais fait. Allah, il sait tout. Il est omniscient, subhanahu wa ta'ala. Rien n'échappe à lui, subhanahu wa ta'ala. Donc je disais que Nabi Issa salam, quand il a entendu ces bonnes paroles de la part des émigrés et également de la part de l'Ansar, il a dit Allah m'a annoncé une des deux choses, la caravane commerciale ou la victoire contre Quraysh. Donc certains parmi les Sahaba voulaient et préféraient la chose la plus facile. Et aussi à cause du fait qu'ils ne soient pas préparés. Ils n'ont pas peur de Quraysh, ils veulent rencontrer Quraysh. C'est un de leurs objectifs, mais pas dans cette foi. Parce que là, ils ne sont pas sortis prêts pour cette bataille, et l'ennemi, il est préparé comme on a vu. Mais Allah a voulu autre chose. Allah voulait autre chose que ce qu'eux, ils voulaient. Et il voulait faire triompher la vérité et écraser la mécréance et les mécréants. Et quand Nabi Issa salam s'est approché de l'endroit dans lequel allait se dérouler la bataille, qui est la région de Badr, il s'est arrêté avec son armée avant d'arriver à Badr. Ils se sont arrêtés, il a envoyé quelques-uns de ses compagnons pour prendre des nouvelles et récolter des informations et collecter des informations au sujet de la caravane commerciale. Et est-ce qu'elle était proche ou pas? Et en soirée, il a envoyé également Ali et Sa'd al-Zubayr. Il les a envoyés vers une eau qui se trouve dans la région de Badr pour prendre des nouvelles également de Quraysh et de la caravane commerciale. Et quand ils sont partis, donc j'ai dit Ali ibn Abi Talib, Sa'd ibn Abi Waqqas, Zubayr ibn al-Awwam. Trois Mekwa. Trois parmi les émigrés. Quand ils sont partis là-bas, ils ont trouvé deux esclaves. Ils les ont ramenés avec eux. Et quand ils sont arrivés, Nabi alayhi salam était en train de faire salat. Ils ont commencé à les interroger. Ils leur ont dit, vous appartenez à qui? Ils ont dit, on appartient à Quraysh. On est des esclaves d'hommes de Quraysh. Et les compagnons n'ont pas aimé entendre cette parole. Subhanallah. Ils ont préféré que ce soit des esclaves appartenant à la caravane de Abu Sufyan. Car comme je vous ai dit, c'est la chose la plus facile et la moins difficile et dans laquelle il n'y a pas de combat. Une trentaine à une quarantaine d'hommes, c'est pas, et en plus qui ne sont même pas armés, et dans le butin et toute cette immense caravane commerciale, c'est pas comme rencontrer 1000 hommes qui sont extrêmement bien armés, bien préparés. Et quand il leur disait on appartient à Quraysh, il les frappait. Jusqu'à ce qu'ils avaient très mal, il disait on est à Abu Sufyan, on appartient à Abu Sufyan. Et là, il les laissait. Et quand il les laissait, au bout d'un temps, il les interrogeait à nouveau, vous appartenez à qui? Il disait à Quraysh. Quand Nabi Aïssa Salam a terminé sa salat, il leur a dit, par celui qui tient mon âme dans sa main, quand ils disent vrai, vous les frappez. Et quand ils montent, vous les lâchez. Et ensuite, Nabi Aïssa Salam, il a posé la question à ses deux esclaves, il leur a dit, ils sont où Quraysh, leur armée? Ils ont dit, derrière ce mont. Il a dit, ils sont combien? Ils ont dit, on ne sait pas. Il a dit, ils tuent combien de chameaux par jour, c'est-à-dire pour manger? Ils ont dit, un jour 10, un jour 9. Nabi alayhi salam a dit, ils sont entre 900 et 1000. 900 et 1000. Et on va voir pourquoi le nombre a diminué et ils étaient plus aussi nombreux qu'à la sortie où ils étaient à peu près 1300. Il y a une partie qui est repartie à Mecca. Et parmi les choses qui ont eu lieu sur la route avant d'arriver à Badr, c'est qu'un associateur qui était très, très connu pour son aide dans les bonnes causes et pour son courage et pour sa force, il s'est proposé au prophète alayhi salatu wassalam, il lui a dit, je vais vous aider et combattre avec vous dans vos rangs Kuffar Quraysh, qui sont les injustes et les oppresseurs et qui vous ont expulsés de chez vous. Le Nabi alayhi salatu wassalam lui a dit, irji' falan asta'ina bi mushrik. Il lui a dit, retourne, entre parenthèses, non merci. Je ne demande pas l'aide à un associateur, ou je n'accepte pas l'aide d'un associateur. Et plus tard, il est venu, il a proposé la même chose au prophète alayhi salatu wassalam. Et le Nabi alayhi salatu wassalam lui a répondu de la même façon, je n'accepte pas l'aide d'un associateur. Et il est revenu une troisième fois encore, il a proposé la même chose, et le Nabi alayhi salatu wassalam a répondu de la même manière. Et après, cet homme a accepté l'islam. Il est devenu musulman et là, le Nabi alayhi salam l'a accepté dans les rangs de son armée. Donc il y a une sagesse ici, c'est que le Nabi alayhi salatu wasalam, il voulait son islam. Allahu a'lam, est-ce qu'Allah azza wa jalla lui a révélé ça? Mais en tout cas, il a fait ça parce qu'il voulait son islam d'abord, avant son aide militaire. Mais sinon, il a été rapporté, ce hadith, il est rapporté dans l'authentique de l'imam muslim. Sinon, il est rapporté authentiquement également dans la bataille de Hunayn, c'est que le Nabi alayhi salam a accepté l'aide d'un mushrik. Donc, la bonne compréhension, et non pas comme disent les khawarij, l'interdiction absolue de demander, d'accepter l'aide de kuffar, non, ça c'est pas vrai. Mais ça reste autorisé. Ça reste autorisé d'accepter l'aide des kuffars, comme l'a fait le Nabi Isa salam pour la bataille de Hunayn, où il a accepté l'aide de Safwan ibn Umayya, qui était encore kafir. Il a armé une partie de l'armée du prophète Isa salam. Il leur a donné des chameaux et des armes. Et le Nabi Isa salam a accepté ça de lui. Par la suite, Safwan ibn Umayya va devenir un musulman également. Il est entré dans l'islam. Mais ici, la sagesse que citent les savants, c'est ce que je vous ai dit, c'est que le Nabi alayhi salam voulait d'abord son islam, avant son aide militaire. Et il n'y a pas de contradiction entre les textes qui sont authentiques. La contradiction, elle peut se trouver dans notre compréhension. À chaque fois que tu as l'impression qu'il y a une contradiction entre deux versets, ou entre un verset authentique et un hadith, un verset et un hadith authentique, ou deux hadiths authentiques, commence par accuser ta compréhension. Et n'accuse surtout pas les textes du moment que c'est authentique. Et Nabi alayhi salam a envoyé également deux hommes qui sont Basbas ibn Amr et Abi Zarba, comme on l'a vu, pour collecter des informations au sujet de Quraysh. Et quand ils sont arrivés à l'endroit de Badr, ils ont entendu une servante qui parlait avec une autre, une esclave, qui parlait avec une autre et qui lui demandait de rembourser sa dette. La deuxième a dit « Je ne peux pas te rembourser aujourd'hui. » Mais demain ou après-demain arrivera la caravane commerciale de Abu Sufyan et je travaillerai pour eux et je te rembourserai avec l'argent qu'ils me donneront. Et ce discours a été entendu par Majdi ibn Amr, le maître de Banu Damra. Et il a approuvé ce que la servante a dit. Il a approuvé ce que la servante a dit. Et les deux compagnons ont entendu tout ce discours. Et ils ont compris que la caravane allait arriver demain ou après-demain. Et ils sont repartis voir Nabi alayhi salatu wasalam. Ils lui ont dit ce qu'ils ont entendu. Donc ils ont compris que la caravane était proche. Et jusque-là, les compagnons ne savent pas est-ce qu'ils vont avoir droit à la caravane. Ils repartent chez eux ou ça sera la bataille contre Kuffar Quraysh. Et certains parmi eux préféraient la caravane. Radiallahu anhum, qu'Allah les agrée tous. Abu Sufyan ibn al-Harith également est parti pour prendre des nouvelles vers ce même endroit. Et il a rencontré cet homme qu'on a vu qui s'appelle Majdi ibn Amr, le maître de Banu Dumra, car c'était sa région. Il a rencontré là-bas et ils ont discuté, il lui a dit, est-ce que tu as vu quelqu'un parmi les compagnons de Muhammad dans les alentours, dans les parages? Il a dit non. Et là, vous voyez la sagesse pourquoi le Nabi a choisi ces deux hommes, Basbas et Adi, radiallahu anhu, qui n'étaient pas très connus. Il a dit non, j'ai pas vu quelqu'un parmi les compagnons de Muhammad, mais j'ai vu deux hommes qui étaient sur leur chameau, au niveau de cette colline, ce petit mont. Et tout de suite, Abu Sufyan, cet homme bien évidemment, est extrêmement qualifié, extrêmement expérimenté, ce grand commerçant, ce grand homme de Quraysh, tout de suite il est parti sur la colline, il a essayé de trouver des crottes de chameaux. Il y en a les excréments de ces chameaux qui étaient à ce niveau-là. Effectivement, il a trouvé des crottes, il les a effritées et émiettées avec sa main, et il a trouvé dedans des noyaux de dattes. Et là, il a dit, par Allah, ça c'est ce que donnent les Médinois à leur chameau. Donc il a compris que c'était des gens de Médine. Donc, Nabi Isa Salam, il ne doit pas être loin. Et tout de suite, il a ordonné un changement de direction de toute la caravane commerciale et ils sont partis vers la côte. Ils ont changé de route immédiatement avec leur caravane commerciale et ils sont partis vers la côte de la mer. Et ainsi, il a pu sauver sa caravane commerciale. Et dès qu'il a été sûr que sa caravane commerciale était sauvée, il a envoyé quelqu'un à Quraysh pour les informer que la caravane commerciale est sauvée et qu'ils peuvent retourner à Mecca, il n'y a plus besoin de bataille et de venir. Il n'y a plus besoin de venir et la caravane est sauvée. Quand ça est arrivé à Quraysh, Abu Jahl, le maître et le chef de cette armée, a refusé. Il a dit non, on ne fait pas demi-tour. Par Allah, nous allons arriver jusqu'à atteindre Badr. Et on va y passer 3 jours, 3 nuits, dans lesquelles nous allons boire l'alcool et écouter les chants des femmes. Al-Qiyan. Al-Qiyan, c'est le pluriel de Qayna. C'est les femmes qui chantent, les esclaves et les servantes qui leur chantent, tout en buvant l'alcool. Et il a dit, nous allons y passer 3 jours afin que tous les Arabes ne redoutent par la suite. Et pour montrer notre force, il a refusé de faire demi-tour. Al-Akhnas ibn Shariq, le maître des Bani Zuhra, lui, quand il a entendu ça, il leur a dit, vous êtes sortis pour protéger votre caravane commerciale? Chose qui a été faite, alors je ne vois pas de raison de continuer. Et il a fait demi-tour avec toute sa tribu. Il ne restait de sa tribu dans l'armée que de 2 hommes. Les 2, c'est des frères qui sont les oncles d'un grand tabi'i qui s'appelle Muhammad ibn Muslim Zuhri, ibn Shihab Zuhri. Il est de Bani Zuhra. Et ibn Shihab Zuhri, c'est le cheikh de l'imam Malik. Donc uniquement ces 2 oncles qui sont restés de toute la tribu de Bani Zuhra. Et tous les autres ont fait demi-tour. Et donc là, le nombre de ceux qui vont rester parmi Kuffar Quraysh, c'est à peu près entre 900 et 1000, comme a dit le Nabi Isa al-Salam. C'est entre 900 et 1000, comme les a estimés le prophète alayhi salatu wassalam. Donc voilà pour aujourd'hui la première partie de cette bataille. Et ensuite nous allons voir, bi'idhnillah, comment va se dérouler la bataille et plusieurs points et plusieurs choses qui vont avoir lieu avant le début de la bataille et plusieurs événements et plusieurs sagesses à tirer. Pour l'instant, je suis en train de vous raconter le déroulement de la bataille. Et on va s'arrêter bien évidemment sur les sagesses et les leçons à tirer parce qu'on n'est pas en train de lire des histoires pour lire des histoires. Pour tirer des sagesses et des profits par la grâce d'Allah Azza wa Jal. Hada wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته